tourne ce qu'il faut. Brigitte, une autre tente de faux. Not observe les gaules. Brigitte, abattre-moi ta fait le bol. Mais il se masse une petite colle. Brigitte, I'm la ligne du son. Tu peux pêcher ou la con. Les notes c'est que le bol. La note tourne ce qu'il faut. Brigitte, une autre tente de faux. Not observe les gaules. Abattre-moi ta fait le bol, mais il se masse une petite colle. Brigitte, I'm la ligne du son, je coupe et chier ou la con. Vas-y, j'en ai. Je t'en taille à ton fauteur, un grand comme elle fit barre. Me tape du joue, t'as fait ça, je t'ai valmi. Sahbi, calbou, bellard, j'ai mené bien les pinards. Un an arrive l'issard, ma homie. Le tralit ni mène, j'ai dit un kitchou. Le tralit n'a la hama, puis on fait trou. امي تعبت تزيني ما كليت كفوف بلد ما عرف الرجل لما توزن سوف بلد عطي تهو زيكا ما تدي خوف بلد تحب تنسيني في برشا حروف نحن شي طبق في اللور دحنا صغار ما قلت فربت لنا في الصول تبليش قيم فيلم طويلة مشهور تحيتنا هارد مسوف تعشنا اللوتا وفي اللوف نو ما يتشينا ما يتشينا باش يخطب لينا وفتيخ تحطينا مهوم انا عمول ما نسينا كل لقيت بحكينا انتي رجنا ورينا مهومي لينا تسكر البار احنا بتونس لفوق بريجي انو تتحط تفوق نعرف صعب اللي يقول بريجي عباد وعدة في البار ما يسمع سلم تقول بريجي I'm not in a tussan, je coupe le chier ou la con. Les notes c'est que le pot, par neuf tournes c'est fort. Brigitte, une autre tente de folle, ma rêve ça veut les gaules. Brigitte, abattre-moi ta fait le bol, mais il se masse une petite colle. Brigitte, I'm not in a tussan, je coupe le chier ou la con.